Bonjour, bienvenue sur CKUT 90.3 FM dans ce qu'on appelle Montréal, territoire occupé, autochtone de différentes nations. En fait, on avait vu la dernière émission comment c'est complexe et comment il y a un débat qui n'en finit plus entre différentes nations qui se disputent le territoire, mais aussi des nations ou des peuples qui s'entendent maintenant de plus en plus pour dire que c'est un territoire où naviguait ou habitait, circulait plutôt. Différents peuples, différentes personnes, alors de s'entendre sur le fait qu'ils ont un territoire qui se chevauche. En tout cas, ça veut dire aussi que le territoire est encore occupé et qu'il est possédé non plus, même si Montréal, comme institution coloniale, a pris de plus en plus de place. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des luttes ici, mais par rapport à la Palestine, avec différentes personnes liées au collectif de solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes, pour les droits des Palestiniens et des Palestiniennes, venant de l'UQAM, mais il y a d'autres personnes qui sont ici, de d'autres universités. Mais on va reparler de leur semaine contre l'apartheid israélien, qui a lieu dans différentes institutions aussi, qui a lieu à l'international. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements liés à la lutte contre l'apartheid d'Israël, dont on pourra reparler aussi en détail, qui aussi est influencé par, ici, par l'apartheid canadien sur les peuples autochtones. On dit, entre autres, que la loi sur les Indiens a beaucoup influencé Israël. Alors, c'est des choses dont on discute de façon continue et dont on, contre lesquelles nous devons nous battre aussi en tant que personnes qui occupons ces terres. Sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer l'émission avec Mohamed Amine et Francis Mounadel de Solidarité pour les droits humains des Palestiniens et des Palestiniennes de l'UQAM qui vont lui parler de la semaine contre l'apartheid israélien. Mais d'abord, pouvez-vous parler de qu'est-ce que c'est que ce collectif? Je vous remercie pour votre invitation, Christian. J'apprécie le préambule avec lequel vous avez commencé l'émission en soulignant qu'on se trouve sur des territoires non cédés, que nous dénonçons également l'apartheid sous laquelle vivent les communautés des Premières Nations. Et en tant qu'association étudiante, on est solidaire avec les peuples autochtones. Ça, c'était notre introduction. Donc, en tant qu'association étudiante, on est très jeune association. Ça a été fondé dernière session en 2015. Plusieurs militants et militantes, étudiants et étudiantes de l'UQAM qui se sont rassemblés pour créer une association pro-palestinienne, car il n'y en avait plus, en fait, à l'UQAM. Il n'y avait plus d'association pro-palestinienne. C'est pour ça qu'on a décidé de reprendre le flambeau et de redorer l'image de l'UQAM qui représente les étudiants et étudiantes qui sont contre l'oppression, contre les victimes du système. Donc, notre association organise cette semaine, à partir de demain, à partir du 8 mars, ce qu'on appelle la semaine contre l'apartheid israélienne, ou en anglais Israel Apartheid Week. C'est un événement annuel qui existe depuis 2010 et c'est essentiellement un événement universitaire qui rassemble tous les campus qui se réunissent autour de cette organisation-là dans le fait de faire une semaine contre l'apartheid. Et cette semaine-là, elle vise deux objectifs essentiels, soit d'abord, dans un premier temps, sensibiliser les étudiants et étudiantes des universités respectives sur l'apartheid en Israël, vulgariser le langage de l'occupation, du colonialisme, pour faire comprendre justement aux étudiants et étudiantes la réalité que le peuple palestinien vit, surtout sensibiliser les Québécois et Québécoises, car la mémoire est quelque chose qui s'éteint, mais qui se rallume. Donc, on connaît le passé, la relation que Québec entretient avec la Palestine, qui a toujours eu un rapport solidaire. Or, il semblerait que la tendance est inversée récemment avec avec les lobbies sionistes qui font beaucoup de pression auprès des instances gouvernementales, des députés. Ça, c'est dans un premier temps. En deuxième temps, on cherche à faire la promotion de la campagne BDS sur le campus. Ouais, dans le fond, c'est l'acronyme pour boycott des investissements sanctions. On l'utilise tellement qu'on oublie de l'expliquer. Pour ceux qui seront pas trop familiers avec BDS, BDS c'est une initiative de la société civile palestinienne. En 2015, 171 organismes de cette société civile se sont réunis pour, dans le fond, créer ce mouvement de boycott, un mouvement de boycott qui, je vous dirais, est calqué sur le modèle de boycott de l'Afrique du Sud dans les années 70-80 et même jusqu'à 90, parce que l'apartheid a cessé en 91. Donc, calqué sur ce modèle-là, on prêche, on veut le boycott économique. Donc, on demande à nos campus, sur nos campus, à l'instance universitaire, à l'administration, de ne plus collaborer de façon économique avec Israël, de ne plus entretenir de liens avec eux, de ne plus aussi, dans une perspective académique, ne plus procéder à des échanges étudiants avec Israël. Dans tout ce cadre-là, ne pas appuyer cet apartheid-là, aussi un boycott politique, diplomatique, de la même façon que l'Afrique du Sud a fait, là, dans le fond, tous les pays qui se sont opposés à ça. Aussi, ce que nous dénonçons essentiellement en tant qu'association, c'est la colonisation d'abord en premier, car la colonisation, c'est la cause, en fait. C'est la cause de tous les symptômes, après ce qui arrive, en fait, soit l'occupation. L'occupation, c'est un symptôme de la colonisation. Donc, nous, on vise quand même assez haut. On cherche vraiment à dénoncer cette colonisation-là, tout comme celle ici au Québec, qui s'est faite envers les peuples des Premières Nations. On milite aussi pour dénoncer ce mur qui a été construit dans la Cisjordanie pour séparer les Palestiniens et le reste de la population. Il faut que les gens sachent que les Palestiniens dans les territoires occupés, ils sont régis par une loi martiale, contrairement à les citoyens israéliens qui ont d'autres lois. Donc, factuellement et constitutionnellement, il y a une apartheid de ce point de vue-là. Aussi, si je pouvais parler plus précisément de l'Afrique du Sud, en fait, le mouvement de boycott d'Afrique du Sud, c'est un mouvement qui date de très loin. Mémoire collective, des fois, oublie, mais en 1960, le boycott a commencé et c'était essentiellement un boycott qui était au début marginalisé, tout comme BDS l'était au début. Et aujourd'hui, ça prend de plus en plus de terrain dans les campus et dans les instances politiques. Je voudrais dire et spécifier, car c'est important de le dire, que le Canada a cautionné l'apartheid de l'Afrique du Sud. La France, elle a cautionné l'apartheid de l'Afrique du Sud. Et la France a été la pire, car elle vendait des armes aux autorités sud-africaines en échange de se ressourcer en nucléaire. La France voulait devenir une puissance nucléaire. D'ailleurs, c'est sa ressource énergétique principale. Donc, elle avait tout intérêt à appuyer cet apartheid-là. Donc, on voit les intérêts économiques aux dépens des droits humains. Puis Israël également avait appuyé cet apartheid-là. Et toujours dans une perspective économique. Donc, pour cette raison, en tant qu'association, nous considérons également que l'aspect monétaire, l'aspect du capital est une grande source de problèmes. On se définit en tant qu'association anticapitaliste car on considère justement que ce capitalisme-là est responsable de beaucoup de problèmes qui s'expliquent par la géopolitique. entre autres, en Palestine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Je pense qu'ici, on s'entend là-dessus, mais en quoi? Ben, en fait, je vous dirais que la présence, la présence géographique d'Israël contribue à beaucoup de conflits dans le monde. Le fait qu'Israël soit en plein milieu du Moyen-Orient fait en sorte de créer beaucoup de tensions, d'abord avec le Liban, avec la Syrie, avec la Jordanie, et tous les appuis qu'elle reçoit de l'extérieur justifient justement cette espèce de présence-là géographique d'Israël. Ben, en fait, merci encore pour l'invitation, Francis. Ben, Israël est déjà impliqué actuellement avec la Turquie au Kurdistan et a déstabilisé la région parce que Israël achète le pétrole turc que les Turcs achètent à Daesh. Donc Israël est directement impliqué dans le conflit actuellement au Proche-Orient, là, aussi, on s'entend. Israël achète le pétrole aux Turcs. Israël le revend ensuite à des entreprises italiennes privées qui, eux, le vendent à travers l'Europe et probablement à l'Amérique aussi, ce qui est un gros problème, là, directement impliqué concernant le capitalisme. Là, ça en fait partie, selon moi. Oui, effectivement, j'abonde dans ce sens-là également. Donc, on comprendra que bien souvent, le sionisme rime avec le capitalisme. Et il y a une phrase que j'ai déjà entendue, je connais pas la source, c'est qu'en fait, on dit que le sionisme est l'église du capitalisme. Le sionisme se justifie par le capitalisme et par le simple appui que toutes les instances occidentales donnent à Israël. On comprend qu'il y a toujours des intérêts économiques derrière ça. Donc... C'est de cette perspective-là. Merci. Dernièrement, le Canada a voté une motion contre BDS. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Ben, en fait, la motion qui a été adoptée, c'est une condamnation totale de la campagne boycott des investissements et sanctions envers la société civile canadienne et québécoise qui y participe, donc les syndicats, les mouvements, les organisations affinitaires, et aussi envers les individus qui participent à la campagne de BDS. Ce qui donne à peu près carte blanche aux lobbies sionistes et aux organisations sionistes de pouvoir s'attaquer à ces personnes-là, ces groupes-là, ces syndicats-là en les accusant d'antisémitisme alors qu'il s'agit d'une critique du mouvement sionisme, de l'apartheid, de l'occupation de la Palestine qui dure cette année, ça va faire 68 ans. On parle de l'occupation, mais les gens oublient que ça fait 127 ans que la colonisation de la Palestine a débuté. Donc, le Canada participe depuis le début à cette colonisation. Je vais parler plus proche du micro. Oui, parfait. Mais sinon, cette motion-là qui est adoptée donne évidemment carte blanche au lobby sioniste au Canada et ainsi au Québec. Ce qui est assez négatif pour les mouvements pro-palestiniens qui militent pour le respect des droits de l'homme, mais aussi pour la sécurité de certains militants, étant donné la présence au Canada de la Ligue de défense juive, qui est une organisation terroriste aux États-Unis, qui est reconnue comme étant terroriste, étant donné qu'ils planifiaient deux attentats envers une mosquée. Mais eux, ils disent que c'est pas la même organisation, si j'ai bien compris. La LDJ au Canada se décrit comme étant... non pas une cellule de la LDJ en tant que telle qui est basée en Israël et aux États-Unis, mais une LDJ version canadienne, mais eux s'inspirent du néo-sionisme d'extrême droite, qui est aussi, qui eux appliquent des théories politiques du kahanisme, qui est le fondateur, Meir Kahan, qui lui a été en Israël emprisonné, étant donné les meurtres et les bombes qui sont fait exploser envers des citoyens israéliens, juifs et des Palestiniens, des Arabes et plusieurs personnes. Donc, même en Israël, c'est une organisation terroriste, même si eux, ici, disent ne pas être une organisation terroriste d'extrême droite. Si on regarde leurs théories... Juste un instant. Oui. Juste pour les personnes qui nous appellent pendant qu'on parle au micro, ça sert à rien... parce qu'on n'a pas le temps de parler au micro et au téléphone en même temps. C'est une leçon à apprendre pour tout le monde qui écoute la radio, ne pas appeler pendant que les gens parlent, ça sert à rien. Merci. Alors, tantôt, on vous fera jouer une chanson et à ce moment-là, vous m'appellerez. Merci. Excuse-moi, Francis, tu peux continuer. Mais c'est ça, l'organisation de la LDJ au Canada se décrit comme étant politique pour défendre les intérêts d'Israël et combattre l'antisémitisme, mais si on regarde de plus proche les accusations et les personnes qui accusent l'antisémitisme, c'est toujours des organisations militantes qui militent pour le respect des droits humains des Palestiniennes et des Palestiniens. Et juste en militant pour cette cause-là, on peut avoir l'étiquette d'antisémite, on peut se faire accuser d'antisémitisme assez facilement au Canada ou au Québec. D'ailleurs, c'est souvent arrivé que des militants reçoivent des mises en demeure, des poursuites bâillons. Sinon, ce qui est un peu plus grave, des militants se sont fait attaquer à plusieurs reprises à Montréal, des maisons vandalisées, des appartements avec des trous de balles dans les vitres. Des militants qui... Comment tu sais que ça, c'est lié au conflit? C'est toujours signé. Conflit. Ils font toujours comprendre, si c'est pas la LDJ, c'est des personnes affinitaires qui sont proches des lobbies sionistes à Montréal et qui nous font savoir que c'est eux qui sont passés, c'est eux qui nous ont attaqués. Mais tu dis, ils le font savoir, mais comment? Ils font savoir via des messages, sinon c'est une personne directement, physiquement, qui vient nous voir... Je vais donner un exemple concret, par exemple. Dans une manifestation en 2013, on manifestait pour notre solidarité avec la Palestine, plusieurs militants. On était des centaines, en fait, dans les rues. Il y a une membre du CRIF, je ne nommerai pas son nom. Elle est venue dans la manifestation, elle a agressé des juifs des Neturei Karta, de la communauté des Neturei Karta, qui sont diamétralement opposés au projet sioniste. Puis ensuite, elle est venue voir un militant directement. Elle a nommé son nom. Elle a ensuite nommé des noms de membres de sa famille, des neveux et nièces, et lui a littéralement dit « Si tu continues à militer pour la libération de la Palestine, contre l'apartheid, ben on va te tuer, puis on va s'en prendre à ta famille. » Et ce militant-là a été attaqué l'année suivante, durant les bombardements sur Gaza, alors qu'il participait activement à l'organisation des manifestations de sa Palestine. Puis la personne qui l'a attaqué est revenue quelques jours plus tard dans une manifestation. Il lui a fait assez clairement comprendre que c'était concernant son implication pour la Palestine. Merci. On va revenir après la chanson. Laisser appeler la personne qui tient absolument à nous appeler. D'accord. Et revenir là-dessus tout de suite après. Alors, merci. Et on se parle tout de suite après. Donc, vous êtes toujours à CKUT sur En profondeur 90.3 de ce qu'on appelle Montréal. CKUT.ca sur l'Internet. Alors, on va vous faire jouer une chanson de Shadia Mansour avec Dead Prez qui s'appelle Al Kofi Arabi. Excusez mon accent, je parle pas arabe. Puis en anglais, c'est The Kofis Arabes. Et on reviendra avec l'ensemble de nos invités tout de suite après. صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفية البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم ما خصن فيه يقلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف كونوا بشر قبل ما تلبسوا كوفية جينا نذكر مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علم كوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكثر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه ديك العرب الثاني بخص غزبة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لكن اتربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك We rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you want. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1 in solidarity. Feel me, Shaja. Dude, from the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Alors, vous entendiez Shadia Mansour avec Dead Prez, ce qui nous ramène à parler avec le collectif ou deux des personnes, Francis Mouladel et Mohamed Amin. Donc, du collectif Solidarité pour les droits humains des Palestiniens et des Palestiniennes et sur la semaine anti-apartheid. Juste préciser, moi, je suis là aussi en tant que membre de BDS Québec. Ah, OK. Et de Palestiniens Juifs Unis, qui est très actif en ce moment à Montréal. Bienvenue à BDS Québec. Et à tous les collectifs dont vous faites partie. Donc, il nous reste à peu près 5 minutes. Alors, c'est le temps de parler de la programmation de la semaine anti-apartheid. Oui. Merci de nous donner la chance d'en parler. On est les premiers des quatre universités à commencer cette semaine. Là, il y a l'UDM qui le fait, McGill, Concordia. Nous, on commence cette semaine. McGill, Concordia, c'est la semaine prochaine. Donc c'est ça, c'est une semaine d'activités, conférences, soirées, discussions, des kiosques, mobilisation sur le campus, tout ça. Donc nous on commence notre journée, notre première journée demain, le 8 mars, et puisque c'est la journée internationale des femmes, on en a profité pour faire un événement pour parler des femmes palestiniennes, et justement on a invité une anthropologue de formation, une musicologue, Yara El-Rabdan. Elle est palestinienne. Elle va venir pour nous parler des femmes palestiniennes, lutte et résistance. Donc, ça commence quand même en force la semaine contre l'apartheid. D'ailleurs, on va être présent à la marche des femmes organisée à Montréal. Et on va inviter les femmes à se joindre en soirée, à cette soirée discussion après la marche. Donc c'est ainsi qu'on commence la semaine. Après ça, tout au long de la semaine, on a des thématiques chaque journée. Je ne veux pas tout énumérer. Je vous invite à consulter notre page Facebook pour voir les événements. Beaucoup de choses qui s'en viennent sur le campus à l'UQAM. Et sur d'autres campus aussi, à McGill, à Concordia, oui, la semaine oui, prochaine. Absolument, absolument. Tu sais qu'il y en avait une à l'UDM aussi. Oui, aussi. De Montréal. Oui, effectivement. Okay. Je vous laisse conclure sur qu'est-ce que vous avez envie de dire avant que on passe à notre prochain invité. Ben en fait, en ce moment, le milieu militant pro-palestinien, juste préciser aussi que l'UDM, c'est cette semaine aussi leur semaine contre l'apartheid. Mais sinon, pour revenir au sujet, en ce moment, les militants pro-palestiniens à Montréal subissent une quand même assez grosse vague d'intimidation de la part des milieux sionistes. On a besoin de camarades durant les activités, durant les manifestations, parce que en ce moment, il y a une vague d'intimidation assez agressive et violente envers les militants, ce qui est assez négatif et néfaste dans les milieux pro-palestiniens et les peu importe les milieux militants de gauche en ce moment. Et mercredi prochain, il y a la LDJ qui organise une conférence c'est sur des carrés, c'est une soirée conférence avec le fondateur de Piggy d'Angleterre, Paul Weston. Donc l'extrême droite va réunir, oui, littéralement, qui a fondé aussi un parti, je pense, en Angleterre. C'est quelqu'un de très raciste. Plus sur les liens entre Pegida et les lobbies sionistes. En fait, Pegida est axé littéralement, ben on le sait, là, contre l'islam. Ils sont islamophobes, ils sont vraiment très très racistes à ce niveau-là. C'est les points sur lesquels ils se rejoignent le plus, c'est leur lutte, entre guillemets, là, on va dire, contre l'islam de manière générale. Eux disent cibler des fascistes, comme Daesh, ce qui est pas le cas, ce qui fait de Pegida, mettons, Québec, des crypto-fascistes, donc qui cachent leur fascisme en affirmant en combattre un autre. Mais c'est à ce niveau-là, envers l'islam, que les sionistes et les membres de Pegida se rejoignent. C'est leur haine des Arabes, des musulmans, des Palestiniens, de tout ce qui... C'est, en fait, ça fait partie du choc des civilisations. C'est la théorie là, à laquelle ça eux adhèrent. Ça rentre profondément dans cette vague qui n'en finit plus d'islamophobie au Québec, au Canada et ailleurs. Oui, depuis la Charte des valeurs, c'est assez intense à ce niveau-là. Mais au moins, il y a une scission dans les milieux politiques officiels de centre-droite. On sait que l'extrême droite, maintenant, a quitté pas totalement. Il y a encore des éléments d'extrême droite dans les partis politiques, comme le Parti québécois. Mais il y a des gens qui ont fondé des organisations d'extrême droite, comme les Insoumis, Pegida Québec. Et eux se concentrent vraiment sur le terrain à attaquer des personnes musulmanes, des personnes qui militent pour la Palestine, des personnes qui s'opposent au racisme ou à l'islamophobie. C'est assez intense depuis la charte. J'ajouterais à ce que Francis vient de dire rapidement qu'en fait, on parlait tout à l'heure de géopolitique. En fait, il faut que les gens comprennent que cette islamophobie profite à ce lobby sioniste, car puisqu'Israël se trouve, comme je disais tantôt, géographiquement entouré de pays arabes, de pays arabo-musulmans, cette haine envers les musulmans justifie des interventions militaires à l'étranger auprès de l'opinion publique. Donc Israël a tout intérêt à ce que l'islamophobie continue et se perpétue. Et d'ailleurs, les lobbies islamophobes comme Poste de Veille, Point de Bascule sont très proches, sont liés des lobbies sionistes. Le lien entre les deux est assez clair là, tu sais. Puis comme je vous dis, dans le fond, effectivement, Pegida s'en prend aux musulmans et les lobbies sionistes, eux, récupèrent cette haine là. Donc ce qu'ils font avec l'islam, ils font la même chose avec l'antisémite, parce que pour les sionistes d'extrême droite, l'antisémitisme est quelque chose de profitable. Ils vont toujours utiliser ça contre leurs adversaires et pour essayer de convaincre les populations ou les communautés juives locales qu'il y a des courants antisémites parce qu'il y a des critiques d'Israël ou l'occupation de la Palestine. Ils vont toujours se servir de la haine comme un outil là, dans leur propagande sioniste. Et ironiquement, tu parlais de liens qu'il y avait entre Israël, la Turquie et l'État islamique. Effectivement. Donc, ça, c'est plus vraiment prouvé. Là, si les gens ont de la difficulté à le croire, vous pouvez aller vous renseigner via des sites de nouvelles ou des agences de nouvelles kurdes, turques, israéliennes, libanaises, syriennes, opposées au gouvernement, et irakiennes. Donc, c'est quelque chose de connu. Là, on est au courant, là. Mot de la fin peut-être. Moi, je vous dirais merci encore de nous avoir invités. Je pourrais vous dire que BDS revient en force à Montréal et dans les campus. Hier, Roger Waters était à Tout le monde en parle. Il a réitéré son soutien pour BDS. Lui, il milite pour BDS depuis 2006. C'est des soutiens que les militants et militantes avaient besoin. Un soutien pour la justice, pour la reconnaissance des droits humains des Palestiniennes et Palestiniens. Rappeler que le jour du dépôt de la motion des conservateurs pour condamner BDS sur les campus de McGill, ils avaient voté pour une résolution BDS. Donc ça, c'est une victoire. Donc le mouvement BDS à Montréal et au Québec n'est qu'en train de fleurir en ce moment. Donc il y a un avenir prochain. prometteur pour la reconnaissance des droits humains des Palestiniens et des Palestiniens. Simplement préciser pour la conférence de mercredi prochain, c'est au 7655 Boulevard des Carrés au Ruby's Foods Restaurant. Donc la LDJ va être là avec le fondateur de Pays d'Angleterre. Donc l'extrême droite va être réunie à Montréal. C'est juste à côté du métro Namur. Donc on a besoin de camarades en ce moment. Dans un quartier très multiethnique. Oui, effectivement, d'ailleurs. Donc ça pourrait brasser. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Et on invite évidemment les gens à aller à toutes vos activités et aux activités de vos collègues dans les autres campus. Alors, merci.